Est-ce que la gratte, tu l'entends, Benjamin? Trop fort, pas assez fort. Le son, est-ce qu'il est propre? Bah dis-moi si le son est propre. Ouais, j'ai un petit son crunch, un petit souffle, tu me dis? J'ai pas mis le nosegate, attends, je le mets. end.